confortable. Comfortable. Comfortable. Ah, oui. Comfortable. Comfortable. Très se dit very. Very. Ça s'écrit V-E-R-Y. Very. Very. Very. Very. C'est très confortable. It's very comfortable. Right. It's very comfortable. Le mot pour dire ici est here. Here. Here s'écrit avec un H. Ça s'écrit H-E-R-E. Here. Here. Le H en anglais est toujours un H aspiré, prononcé H. Here. Here. Très bien. Here. Here. Il est toujours très important de prononcer le H. Here. Alors, c'est très confortable, encore une fois. It's very comfortable. Good. It's very comfortable. C'est très confortable ici. It's very comfortable here. Right. It's very comfortable here. Ce n'est pas très confortable ici. It isn't very comfortable here. Right. It isn't very comfortable here. Et maintenant, sans la contraction. It is not very comfortable here. Right. It is not very comfortable here. It isn't very comfortable here. Ce n'est pas si confortable. Si en anglais se prononce so. So. S-O. Ce n'est pas si confortable ici. It isn't so comfortable here. Right. It isn't so comfortable here. Ce n'est pas si confortable ici. Comment dit-on alors « ce n'est pas si terrible » ? It isn't so terrible. Right. Presque. It isn't so terrible. It isn't so terrible. Essayons avec remarquable en anglais. Remarkable. Remarkable. C'est très remarquable. It's very remarkable. Right. It's very remarkable. Essayons avec acceptable. Acceptable. Oh. acceptable. Acceptable. Acceptable. Acceptable. Acceptable. Ce n'est pas acceptable pour moi. It isn't acceptable. Ah oui. Acceptable for me. Acceptable for me. Right. It isn't acceptable for me. Comme ça en anglais, comme ça, ça se dit like that. Comme like. Like. Ça. That. That. That. That. Ça s'écrit T H A T. Like that. Au lieu de dire like that, en anglais on dit très souvent that way. That way. Comme ça, that way. De cette manière ou de cette façon. Littéralement, that way veut dire ce chemin. Way s'écrit W-A-Y. That way. ce chemin. C'est une expression idiomatique qui veut dire comme ça, that way, like that, ou that way. Si vous voulez dire ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. It isn't acceptable. Acceptable. Acceptable for me. Comme ça. Like that. Like that. Ou. That way. That way. Très bien. It isn't acceptable for me like that. It isn't acceptable for me that way. That way.